Radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 23h. Let's Dance. Let's Dance. Ici. Ici, tous les samedis soirs.

you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone, waiting for your call. When you don't call at all, it's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with your man. You're like a child at play on a sunny day. First you play with love, and then you throw it away. Why do you use me? Play to confuse. You won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. Why do you use me? Why to confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison? Serve my ici, pour le DJ de samedi soir, c'est nos limites sur les pépites. 100% Let's Dance. Let's Dance. Ici, tous les samedis soirs. Oh, au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage.

Le samedi soir, 100% Let's Dance. Let's Dance. Ici, tous les samedis soirs. Much more.

coming for you. I will not stop until this club night is through. Must be the music. It's turning me on. Must be the music. I cannot go wrong. Must be the music. It's turning me on. Must be the music. I cannot go wrong. My voice is on, so let me MC. I'll spin my records, get you closer to me. The way you dance is blowing my mind. I'm in the booth watching you all the time. Must be the music. It's turning me on. Must be the music. I cannot go wrong. Must be the music. It's turning me on. Must be the music. I cannot go wrong. DJs may come and DJs may go, but I'm the best of, baby, don't you know. But I would give it up for loving so true. Give up my records for a moment with you. Must be the music. It's turning me on. Must be the music. I cannot go wrong. Must be the music. Now, baby, it's turning me on. Must be the music. I cannot go wrong. Do for all you rockin' fans. Let's go to work, let's go berserk. You hear a new rhyme every day, but my rap is good in my neighborhood, and I say it just this way. I say hi ho, I'm on the go, I'm rocking to the beat in stereo. And if you wanna know just where to go, everybody just follow me. I said you listen to the band, it's called EC. That's the one that's moving you viciously. And if you listen closely, you surely find you listen to the sounds of a mastermind. Hey, hey. ici, le samedi soir, 100% Let's Dance. I love you even if you think that I don't. radio locale France Bleu devient ici. Ici, à la radio du matin au soir, pour s'informer, pour chanter, pour rigoler. Ici, à la télé, pour voir toutes les infos de ma région. Ici, le média local, radio, TV, digital. L'actu près de chez moi, dans ma poche, c'est quand je veux sur ici.fr et l'application Ici. Vous écoutez Ici. Ici, le média qui vit comme nous. Comme nous. Ici. Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez Ici, il est minuit. L'accent des autres, avec les médias francophones publics. Et voici l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. On va commencer avec cette décision en Suisse. La Confédération va finalement poursuivre son soutien financier à l'Organisation des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens, Pierre Anchoffat. Après de premières attaques contre l'UNRWA en décembre dernier lors de l'examen du budget, la droite conservatrice a remis l'ouvrage sur le métier, mais le sort des Palestiniens est l'important. Du droit humanitaire pour la Suisse ont finalement pesé plus lourd au Parlement. Le Canada négocie actuellement avec l'Union européenne. Il s'agit, Karine Matteux, de conclure un nouveau partenariat militaire. Oui, devant des menaces économiques et expansionnistes du voisin américain, le Canada veut diversifier ses sources d'approvisionnement en armement. La défense, il en est question un peu partout aussi en Europe et notamment en France. On ne parle pas du retour du service militaire obligatoire pour l'instant, mais le gouvernement veut doubler les effectifs de la réserve opérationnelle des armées. Nous verrons comment les jeunes militaires français appréhendent cette nouvelle donne. Sur le continent africain, on retiendra cette semaine ce triple départ. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali annoncent qu'ils quittent l'Organisation internationale de la francophonie, Nicolas Sûr. Oui, ces trois pays dirigés par des pouvoirs militaires avaient été sanctionnés par l'OIF après avoir connu des coups d'État. Ils accusent l'organisation de partialité car elle s'était montrée plus clémente vis-à-vis de régimes plus proches de la France. Enfin, elle a brillé au cœur de la francophonie pendant 25 ans. La comédienne belge Émilie Dequesne est décédée à l'âge de 43 ans. De nombreuses personnalités ont salué son talent et son courage face au cancer, Jacques Crémers. Oui, Émilie Dequesne, c'était Rosetta, prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999. Elle a tourné dans une quarantaine de films, remporté de nombreuses récompenses. Mais on retient aussi son combat courageux contre la maladie. Il s'en est fallu finalement de 6 petites voix au Parlement suisse, 6 voix pour sauver finalement le soutien helvétique à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Il s'agit donc de l'UNRWA, Pierre-Han. La Chambre du peuple avait suivi la proposition des conservateurs de l'UDC, faute de pouvoir exclure avec certitude tout lien de l'organisation humanitaire avec le Hamas, la Suisse devait retirer son financement. Mais cette semaine, la Chambre des cantons a finalement refusé par 25 voix contre 19 de ne plus soutenir l'UNRWA, et pour y parvenir, la gauche a eu besoin du soutien en bloc des élus romands du centre-droit, à l'image de la fribourgeoise Isabelle Chassot. Son adoption aurait des conséquences non seulement sur l'engagement et la crédibilité internationale de notre pays comme dépositaire des conventions de Genève, mais avant tout pour des centaines de milliers de victimes civiles, non seulement à Gaza et dans les territoires occupés, mais également en Jordanie, au Liban et en Syrie. La situation des Palestiniens a donc joué un rôle déterminant, d'autant que le vote est intervenu au lendemain de la reprise des bombardements israéliens sur Gaza. Le directeur de l'UNRWA, le Suisse Philippe Lazzarini. Je ne sais pas si le contexte a joué en faveur de ce vote, mais je pense qu'un vote négatif au lendemain d'une reprise de la guerre, d'une nuit absolument meurtrière, aurait été effectivement un vote incompréhensible. La crédibilité internationale de la Suisse et son potentiel rôle d'exemple dans la défense du droit humanitaire étaient donc aussi en jeu. Alors, est-ce que la question est définitivement tranchée ? Pas vraiment, puisque le Conseil a dans le même temps demandé au gouvernement de s'engager à l'international pour une autre solution que l'UNRWA, un message incompréhensible pour l'UDC Marco Chiesa. Il y a quand même une méfiance par rapport à l'UNRWA. C'est un message chaotique à mon avis. Parce que d'une part on dit qu'il faut continuer avec eux, mais d'autre part on dit qu'il faut la substituer dans le futur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faute d'une alternative crédible, c'est bien l'organisation de l'ONU qui poursuivra sa mission auprès des Palestiniens, avec le soutien financier de la Suisse. Voilà pour cette aide finalement maintenue donc en Suisse. On va reparler défense à présent parce que le Canada et l'Union européenne se rapprochent d'un partenariat en la matière, Karine. Le Canada se détourne de son allié historique, les États-Unis, pour participer au plan de réarmement de l'Europe qui compte investir des milliards de dollars en dépenses militaires face à la menace russe et au désengagement américain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, précise que la collaboration avec des pays alliés, comme le Canada, va s'intensifier. We also include, of course, in our thoughts all these like-minded countries from Canada. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, affirme pour sa part que des discussions sérieuses ont lieu pour que des entreprises canadiennes participent à ce plan de défense. We need to make sure that we can be closer to the Europeans. We're over-reliant right now on the US. Il faut se rapprocher des Européens, dit-elle. Le Canada est trop dépendant des États-Unis. Oui, et d'ailleurs, le nouveau premier ministre du Canada s'est rendu en Europe juste après avoir prêté serment. C'est symbolique parce que la première visite officielle du premier ministre se fait de coutume aux États-Unis, mais pas cette fois. Il s'est plutôt rendu à Paris et Londres, rencontrer Emmanuel Macron, Keir Starmer et le roi Charles III. Écoutons Mark Carney. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables. Le nouveau premier ministre canadien, donc, Mark Carney, qui a l'intention de dissoudre très rapidement le Parlement et donc de déclencher, Karine, des élections. Bien voilà, le successeur de Justin Trudeau se lancera dans une campagne électorale alors qu'il vient à peine d'être assermenté comme premier ministre. Mais c'était attendu. Les partis politiques sont d'ailleurs en mode recrutement pour tenter de présenter des candidats dans le plus grand nombre de circonscriptions canadiennes. Et en attendant la dissolution du Parlement du Canada, c'est prévu ce dimanche, on va encore parler défense en France, cette fois où, malgré le rapprochement États-Unis-Russie, il n'est pas question à ce stade d'un retour au service militaire obligatoire. Mais le gouvernement souhaite doubler les effectifs de la réserve opérationnelle des armées. Alors comment les jeunes militaires français appréhendent-ils cette situation? Ici, a sondé plusieurs sous-officiers à Nantes. Ils viennent de signer leur contrat d'engagement dans l'armée de terre. C'est un reportage d'Anne Bertrand pour Ici Loire Océan. Vous êtes bien monsieur Daniel Clément, vous avez décidé de signer un contrat d'engagement en tant que sous-officier à l'école des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexant pour une durée de 5 ans dans la spécialité artillerie, correct ? Correct. Ce n'est pas un hasard si Clément a choisi de se spécialiser dans les armes lourdes. On parle aujourd'hui beaucoup, notamment en Ukraine, des canons César dont la France a livré un certain nombre à ce pays. C'est vrai qu'on a du matériel quand même de qualité, d'autant qu'on parle beaucoup en ce moment de conflits de haute intensité. Et ces menaces grandissantes n'ont pas fait non plus reculer Guéwen. Non, au contraire, je trouve ça un peu exaltant parce que d'une certaine manière, on va se sentir utile par rapport au contexte géopolitique qui se passe dans le monde. Ça ne vous fait pas peur ? Un peu, mais c'est le risque du métier. Même discours chez Clémence, la seule femme sur ces 9 sous-officiers fraîchement engagés. Ça m'inquiète pas, c'est les risques du métier. Et puis, on va être préparé, on va être beaucoup accompagné. Puis c'est aussi une grande famille, l'armée. Et c'est dans des moments comme cela qu'il faut se mobiliser, selon Lucien, ancien entraîneur de foot. C'est important de ne pas forcément rester chez soi et attendre que ça se passe. Ou... Voilà, moi, j'ai eu l'envie de m'engager et de servir à la France. Voilà, donc. Vous avez tous signé votre contrat d'engagement. La grande aventure commence dès maintenant. Un reportage d'Anne Bertrand pour Ici Loire Océan. L'accent des autres avec les médias francophones publics. L'Organisation internationale de la francophonie qui entend promouvoir la langue française, la diversité culturelle, mais aussi la paix, la démocratie et les droits de l'homme vient de perdre 3 de ses membres. Et cela au moment où l'on célébrait la journée internationale de la francophonie, c'était ce jeudi. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont fait savoir coup sur coup qu'ils quittaient l'OIF et c'est une page d'histoire qui se tourne pour cette organisation, Nicolas. Oui, car l'organisation perd l'un de ses membres fondateurs, le Niger. L'OIF a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey, sous l'impulsion du président nigérien de l'époque, Amani Diori, l'un des pères de la francophonie institutionnelle. En décembre 2023, première rupture, le Niger est suspendu de l'organisation suite au coup d'État qui a renversé le président Bazoum 6 mois plus tôt. Aujourd'hui, il annonce donc son départ. Même décision pour le Burkina Faso et le Mali. Les 3 pays qui ont chacun connu un coup d'État et sont désormais regroupés au sein d'une alliance des États du Sahel ont déjà claqué la porte d'une autre organisation, la CDAO. Ces trois pays avaient donc été sanctionnés dans le passé par l'Organisation internationale de la francophonie et ils dénoncent ce qu'ils appellent le deux poids deux mesures de l'organisation. Oui, l'OIF, disent-ils, au lieu d'accompagner nos pays dans la réalisation des objectifs légitimes des populations, s'est illustré par l'application sélective de sanctions. L'organisation, en effet, s'est montrée beaucoup plus clémente envers d'autres pays qui ont connu eux aussi des coups d'État. La Guinée, réintégrée à l'organisation en octobre dernier, alors que le pays n'a toujours pas de calendrier précis de fin de transition, ou le Gabon. Ces deux pays sont beaucoup plus proches de la France, alors que le Niger, le Burkina et le Mali, eux, ont rompu avec fracas avec l'ancienne puissance coloniale. Enfin, en Belgique, nous allons revenir un instant sur la disparition de la comédienne Émilie Dequesne. Elle avait tourné avec les Frères Dardenne, avec Lucas Bellevaux, Joachim Lafosse ou encore Lucas Daunt. Mais on retient aussi d'elle sa personnalité généreuse et son combat contre la maladie, Jacques. Originaire de Chièvre, dans le Hainaut, Émilie Dequesne avait été révélée à l'âge de 17 ans dans le film Rosetta, un film pour lequel la comédienne remportera au Festival de Cannes le prix d'interprétation féminine. C'était en 1999. Émilie Dequesne dans Rosetta. Là déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement voir à la télévision. Je les aime très fort, je voudrais embrasser maman, papa, Audrey. Et tous les autres, ils sont hyper nombreux. Je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette chance. Les frères, ce sont les réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne, très émus par la disparition de l'actrice. Le film, le premier pour Émilie Dequesne, donnera son nom au contrat Rosetta des conventions de premier emploi pour des jeunes âgés de moins de 26 ans. Mais Émilie Dequesne, c'est encore une quarantaine de films et de nombreuses récompenses. C'est aussi une jeune femme qui se distinguera par son combat contre la maladie quand elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer de la glande surrénale en 2023. Mais le cancer, c'est pas une maladie honteuse. Premièrement, c'est déjà tellement dur, on se sent déjà tellement seul. Si en plus de ça je dois me taire, ça parle hein, dans ce métier. Il était hors de question que des choses se disent, que n'importe quoi se dise. De nombreuses personnalités ont salué son talent et son courage, comme l'actrice Déborah François. C'était ma grande sœur et c'était notre grande sœur à toutes les filles qui ont eu la chance de tourner avec les frères Dardenne après. Donc évidemment ça laisse un vide, mais j'ai vraiment envie de me rappeler voilà, plus de sa lumière et plus de ce qu'elle nous a apporté. C'était un rayon de soleil, quoi, vraiment. Émilie Dequesne avait 43 ans. Ses funérailles auront lieu mercredi à Paris. Jacques Crémers et la RTBF pour refermer l'accent des autres cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous et bien sûr, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ici, vous écoutez Ici. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les j'en sorte de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Écoutez ici. We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love, but look at all the love we made. We were two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So it shouldn't be this hard. Oh, baby, it's Vous écoutez ici. Vous écoutez ici. Écoutez, ici. ou la mer dans les coquillages, se balader sur les chemins, plus penser au lendemain, peindre en couleur des nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter tard un concerto, un mot d'amour sur le frigo, si c'était ça le bonheur. Saint-Émilion, chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filant au moins doux, allumer le feu, cheminer, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main, se promener, et puis t'embrasser sur le nez, enfin revoir le printemps, et lui offrir un bouquet de fleurs, enfin laisser le temps au temps. Chercher midi à 14h, si c'était ça le bonheur, rien qu'un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheur, laisse pas passer les petits bonheurs. Juste un instant, un coup de cœur, et à tant de larmes, tant de malheur, laisse pas passer les petits bonheurs, une petite bulle, vite envolée, cheveux au vent, baiser volé, au fond la nuit, ce n'est que ça. Et puis s'en va. Ici. Ici. Ici. Vous écoutez Ici. Ici. Quelquefois je sens les mystères de toutes les choses que je comprends mal. Comme si j'étais toute seule. Chercher un idéal. Quand l'amour le plus fou de la terre se débat dans une odeur de faim, je dis que c'est ça la vraie misère. Je dis que le temps est assassin et je veux plus rien. Je veux plus rien. Je veux plus d'amour.

Vous écoutez Ici. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. De sang, de celle qui rend un homme faible et languissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. J'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui, peut-être et encore. Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprimons tout obstacle entre nous. Elle parle comme une

Vous écoutez ici. Ici. Écoutez ici. J'en ai marre de rêver de vous, j'en ai marre de parler de vous, j'en peux plus de ne penser qu'à vous. J'en ai connu des plus forts que vous, j'en ai connu des plus beaux que vous, j'en ai connu. J'en rirai dans un mois, dans un an. Radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Amazing.

ici. ICI. Vous écoutez ici. Ici. Yes. Vous écoutez ici. Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune et te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, tes regrets à chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Où est passé l'amour, où est passé le charme? Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a faites. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Vous écoutez ici. We'll be right back. Vous écoutez ici. On ne rentre pas dans les cases. On n'est pas fait pour vivre en cage. On n'est pas pareil, on est fou. On est plusieurs, on est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Allez, passons. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'on voit rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge. Il y a de quoi s'enrager. Et tant dire qu'on doit se taire. Il y a de quoi déroger. Désobéir à la frontière. On n'est pas des caricatures. On ne fait pas de révérence. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. Vous écoutez ici. Thank you. Vous écoutez Ici. Écoutez Ici. Quand j'étais gosse, mon père m'a dit que j'aurais des tas d'amis et que ce sera jamais mieux qu'un frère. J'ai toujours eu ton cœur qui me collait et j'ai jamais eu peur de voir s'envoler. Depuis la première heure, t'es le seul qui me connaît. Je te connais. Chaque fois que tu le voudras, il y aura là avec toi ton meilleur allié.

protocole et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirais les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirais tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. écoutez ici. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Les sanglots de Verlaine, Hugo et ses souffrances, Valjean, Quasimodo, misérable martyr. J'ai préféré partir sans jamais revenir. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Abandonner Van Gogh au tournesol de Vence, les hallucinations à Saint-Rémy-l'Absinthe, ajouter des couleurs à la lumière éteinte. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la danse, du boléro de Ravel, roulement sans dissonance. Et plutôt que m'essayer à d'autres originalités, j'ai fermé le piano et avalé la clé. J'ai fini par quitter Notre-Dame toute haute et laisser Vincent, François, Paul et tous les autres, Auguste, à Louis Lumière, mon cinéma d'avant, Romy, à Delon et Signoret à mon temps. Notre-Dame et l'enfance, sa liberté chérie, les rois, les présidences, tout ce qui était nous, trois couleurs d'un drapeau. Je vous salue Marie, amour à mes héros. J'ai fini par aller quand d'autres s'impatientaient, voir ailleurs si on savait à aimer et laver nos blessures dans un bain de jouvence, sans jamais oublier Notre-Dame et la chance d'avoir eu dans la vie cette correspondance, car je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Vous écoutez ici. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I've learned to get to mention, I swear you'll experience that someday. Often I don't really have a choice.

Deborah Annabelle too. I forget your name. Upon the tears you weep, so cry, love, and cry. I wrote this song for you. Jennifer, Allison, Philippa, Sue. Song for you. Jennifer, Allison, Philippa, Sue. Vous écoutez ici. Quelque chose. ICI. Vous écoutez ICI. Écoutez ICI. Away on the truth. It ain't easy goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Vous écoutez ici. Comme un piano qui joue sous ma peau, j'ai caché tous les jours mes sanglots. Je suis née d'un amour qui est tombé à l'eau. Je suis née condamnée à chanter la peine. Je suis triste, pourtant mon cœur cogne encore. Ça s'entend dans mes accords. Moi, y a des larmes dans ma voix. Oh, oh, si triste, pourtant j'ai chanté l'espoir. Moi, c'est écrit dans viendra l'heure du chagrin. Un été se meurt et je n'ai plus rien. Je peux me faire une raison qui est à mentir. Quelle que soit la saison, je sais sourire. Je suis née sans prison, mais j'ai appris à fuir. Dans ma voix, oh, si triste, pour

Vous écoutez ici. Je quitte la ville, silence austère, plus rien ne me guide. J'écrase un mégot, maintenant qu'on est quitte, je fous tout en l'air. Je fous tout en l'air, je t'aime à la folie, sûrement un peu trop, sans perdre mon temps. Je fais mes affaires, comme un G.I. Joe, je fous tout en l'air. Non, j'ai pas le courage, on est bien trop libre, et on a laissé faire. Est-ce que t'es tout sincère et ça sert à quoi de t'écrire des poèmes que tu ne lis pas? Mais est-ce que t'es tout sincère et ça sert à quoi de t'écrire des poèmes que tu ne lis pas? Est-ce que t'étais là? Est-ce que t'étais là? Je quitte la ville, silence austère, je suis comme un ovni, un UFO, souvent je m'éclipse, je fous tout en l'air, quand tu t'envoies en l'air, je lâche prise, ah c'est le rodéo, en un instant, tout se disperse, mauvais gacho, je fous tout en l'air, non t'es pas le plus sage, au quartier d'Aumenil, on a laissé faire la nuit. Écoutez ici. I'm losing.